moteur de recherche Google, Google Search, possède 94% des parts de marché en France. Le système d'exploitation de la firme Android est installé sur 9 appareils mobiles sur 10. La moitié du commerce électronique aux États-Unis passe par Amazon. Quant à Facebook, sa capitalisation boursière équivaudrait au PIB cumulé de 65 pays de la planète. Ces GAFAM, puisqu'il faut ajouter Apple et Microsoft, sont-ils devenus trop gros? Si gros qu'ils parlent d'égal à égal avec les États les plus puissants, voire de supérieur à inférieur, est-il temps d'intervenir, comme le suggère récemment le cofondateur de Facebook qui appelle ni plus ni moins à démanteler le géant numérique? GAFAM, le déclin de l'empire américain, c'est le programme monopolistique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette perspective de moins en moins utopique d'un éventuel démantèlement de ces géants américains du numérique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Soriano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Et Tristan Nitto, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Quant et ex-président et fondateur de Mozilla Europe. Vous pouvez suivre comme tous les jours cette émission en parallèle via notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors cette idée un peu folle, un peu irréaliste au premier abord, de pousser au démantèlement de ces entreprises devenues cyclopéennes, elle n'est finalement pas nouvelle, elle résonne comme un écho de moins en moins lointain depuis une bonne dizaine d'années, mais elle a pris un nouveau tour tout récemment, le mois dernier exactement, le cofondateur de Facebook a lancé une offensive médiatique pour appeler au démantèlement de sa créature. Écoutez cet extrait du journal de France Inter le 9 mai dernier. Direction les États-Unis à présent, où un fondateur de Facebook appelle à démanteler le réseau social. Chris Hughes reproche à sa création d'être devenue trop puissante. Les précisions de Grégory Phillips à Washington. Il est de notoriété publique que les deux hommes qui ensemble ont imaginé Facebook en 2004 dans leur chambre d'étudiants à Harvard ne s'entendent plus. Chris Hughes d'ailleurs a quitté la compagnie 3 ans plus tard et revendu toutes ses actions en 2012. Mais l'attaque vient donc cette fois de l'un des créateurs du réseau social. Le plan média est parfaitement orchestré. Tribune dans le New York Times, interview aux radio et télé comme ici sur NBC. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que Facebook est devenu trop gros, dit Chris Hughes. Et dans le New York Times, il précise, Zuckerberg a aujourd'hui plus d'influence que n'importe quel dirigeant politique ou chef d'entreprise dans le monde. Dans cette tribune, Hughes exprime un regret qu'à l'époque, en 2004, nous n'ayons pas imaginé que nos fils d'actualité et leurs algorithmes allaient ainsi changer notre culture, influencer des élections ou donner la parole à des dirigeants nationalistes. Sur la radio publique NPR, enfin, Chris Hughes explique qu'à ses yeux, Zuckerberg est tellement puissant qu'il ne doit de compte à personne, dit-il, et les autorités devraient démanteler sa compagnie et la réguler. Avec Facebook, Instagram et WhatsApp, l'entreprise connaît une situation de quasi-monopole que Chris Hughes a contribué à créer il y a 15 ans. Voilà, c'était le 9 mai dernier. Une réaction l'un et l'autre finalement à cette offensive médiatique. C'est quoi cette une fausse ingénuité en quelque sorte, ou au contraire est-ce que c'est un véritable signal d'alerte, Sébastien Soriano? Oui, je crois qu'il y a une prise de conscience, hein. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, on a tous joué avec ces nouveaux outils, profité du confort nouveau qu'ils nous apportaient, notamment sur les smartphones. Et puis, c'était plutôt sympa dans la queue à la boulangerie de regarder son fil Facebook, son fil Twitter. Et finalement, on est en train de se rendre compte que cette immixtion totale de ces outils dans nos vies, elle donne finalement un immense pouvoir à ces acteurs d'Internet. Et donc effectivement, ça soulève des questions qui sont légitimes. Alors on peut regretter que ce soit mis sur la table sous l'angle un peu de la vengeance personnelle. Donc il faut faire attention, je trouve, dans ce débat, de pas rentrer sur une approche qui soit excessivement punitive et de se dire ils sont gros donc ils sont méchants. Je trouve que c'est un peu plus subtil que ça. Mais sur le fond, oui, il y a bien une prise de conscience, et heureusement. Qu'en pensez-vous, Tristan Nitto? Ah ben, ils sont gros, mais c'est pas pour ça qu'ils sont méchants, mais ils ont quand même démontré qu'ils pouvaient être méchants. Enfin, les bévues multiples de Facebook. Enfin, moi, j'essaye de les lister sur mon blog, mais en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas assez de doigts pour taper sur mon clavier les différents scandales qui, semaine après semaine, s'égrènent avec des choses, qui sont à chaque fois qui coupent le souffle. Par exemple, donnez-nous des exemples concrets. Un jour, Zuckerberg, il y a un an et demi, dit « Ah, mais vous savez, Facebook, ça va pas. Cette année, mon engagement, c'est de réparer Facebook. » C'était ses vœux d'il y a 18 mois. Et juste après, 3 mois plus tard, en fait, on découvre qu'ils offrent aux utilisateurs un VPN. Un VPN, c'est un système qui permet de chiffrer les communications pour pas qu'on puisse être repéré quand on se connecte. Et ce qui est notamment utile dans certains pays qui interdisent Facebook pour contourner les interdictions nationales, notamment dans certains pays d'Asie comme la Chine. C'est utile dans ces cas-là, mais aussi il y a plein de gens qui veulent faire du téléchargement illégal ou des choses comme ça, qui utilisent un VPN pour brouiller les pistes. Et donc, Facebook offre un VPN à ses utilisateurs. Et c'est gratuit. Alors les gens se précipitent dessus et en fait, on se rend compte que Facebook, effectivement, protège les utilisateurs, mais analyse tout le trafic réseau qui passe par ce VPN. Et ça leur permet d'analyser comment les gens qui utilisent Facebook utilisent aussi des concurrents. Et donc, pour pouvoir mesurer concrètement ce qui est fait avec le trafic sur les concurrents et donc détecter les concurrents les plus dangereux. Voilà, ça c'est dire une fois de plus que Facebook, Google, que ces GAFAM, Apple, Amazon, Microsoft, ont des comportements qui sont des comportements abusifs compte tenu de leur situation quasi monopolistique. Ce constat-là, il l'est, je pense, fait de façon très très large aujourd'hui. Quand on parle de démantèlement, on a tout de même le sentiment d'avoir recours à des outils qui sont des outils d'un notre temps, alors que l'ère est plutôt au sens de l'agrégation, Sébastien Soriano. Oui, mais il faut, je crois, reconnaître l'immense échec de l'ensemble des politiques publiques qui sont censées faire en sorte que les marchés soient concurrentiels. Et c'est un point de départ qui me paraît essentiel. Et c'est ce constat d'échec qui doit nous motiver, qui doivent ensuite nous servir à aller chercher des outils qui sont non traditionnels. Parce que ce constat d'échec, il est quand même particulièrement éclatant. Je veux dire, on a des autorités qui sont en charge de faire en sorte qu'on contrôle les abus de position dominante, qu'on vérifie que les entreprises qui fusionnent n'atteignent pas une situation de marché qui soit trop forte. Et la situation est absolument dramatique. Je veux dire, quand on cherche un réseau social, on n'a pas le choix. Quand on cherche un moteur de recherche, alors on en reparlera, on a le choix, mais il y a quand même un énorme avantage compétitif aujourd'hui au moteur de recherche Google, pour des raisons qu'on explicitera. Et donc, le point de départ de tout ça, c'est qu'on n'a pas le choix. Et le choix, c'est une énorme discipline de fonctionnement du marché, parce que quand vous êtes une entreprise et que vous avez la concurrence, vous avez peur de perdre vos clients. Et donc la discipline qui est induite par cette concurrence, elle n'existe pas dans le numérique. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, Tristan Nitto, ce chemin de l'idée d'un démantèlement, en tout cas, bien peut-être d'aller dans le sens inverse de ce que l'histoire économique récente montre, il est réaliste? Moi, je pense que c'est possible et c'est clairement quelque chose qu'il faut envisager. Un Google, ça, je veux dire, il y a, de façon un peu imagée, il y a des coutures entre les différentes filiales et on pourrait découper suivant ces coutures. Pourquoi est-ce que Android, ce serait la même boîte que le moteur de recherche Google? C'est pas le même métier. Il y en a, ils font du logiciel, il y en a, ils font un service. On peut très bien imaginer de découper comme ça, par appartement. Android pourrait être une entreprise indépendante qui serait pérenne et bénéficiaire en tant que telle. Et puis, le moteur de recherche Google aussi. Et on pourrait en découper sa régie publicitaire, en faire une indépendante qui serait ouverte au tiers. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, pourquoi pas? Vous conviendrez que, a priori, voir le problème de sous cet angle-là, ça ne va pas tout à fait, ou ça n'a pas l'air de tout à fait correspondre à l'économie néolibérale de concentration qui est celle que l'on constate dans le secteur du numérique depuis les 10-15 dernières années. Oui, mais en même temps, l'économie libérale comme ça, elle, si elle est libérale, elle n'est plus au service du consommateur. elle est au service des plus riches. Parce que quand vous avez une situation de monopole, ben vous êtes comme une citadelle imprenable. Et la tentation, elle est grande, c'est d'utiliser cette situation de monopole sur un secteur pour l'étendre à un autre secteur. Microsoft l'a fait en son temps, ils avaient un monopole Windows, ils l'ont fait sur Internet Explorer, d'où la création de Mozilla, il y a 21 ans maintenant. À l'inverse, on a aussi chez Google, ils l'ont fait sur le moteur de recherche, ils ont fait ensuite Android, ensuite ils ont fait le Google Play Store, etc. etc. Et ils ne cessent de s'agrandir. Idem chez Facebook. Facebook, c'est d'abord le réseau social, et ensuite c'est Messenger, ensuite c'est WhatsApp, ensuite c'est Instagram, etc. Sébastien Soriano. Oui, je crois que votre question sur la course à la taille, finalement, est absolument centrale. C'est ce qu'on constate. Hein. C'est absolument. Plus qu'une question, c'est un constat de ce qui s'est passé ces 15 dernières années. Non, mais tout à fait. Et moi, personnellement, je n'y suis pas fondamentalement opposé. C'est-à-dire que je pense que le numérique dégage effectivement une capacité de mobilisation qui peut être extrêmement positive. Et donc, le fait de condamner la taille des acteurs en tant que tel n'est pas quelque chose que dans lequel je me retrouve. Moi, le problème réel, pour moi, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'il y ait des grands acteurs, c'est sans doute très bien, parce que cette taille, elle génère ce qu'on appelle des gains d'efficacité, qui sont ensuite restitués aux consommateurs par des services qui vont être plus performants grâce à toutes les données dont ils peuvent disposer et qui permettent de les optimiser. Ça permet aussi d'amortir des coûts d'innovation sur une base de clientèle qui est plus large, donc ça permet d'apporter des services moins chers. D'ailleurs, ils sont souvent gratuits. Donc la taille en tant que telle n'est pas forcément ennemie de l'intérêt du consommateur. Le problème, c'est l'absence de diversité. C'est le problème qu'il n'y a à chaque fois qu'un, éventuellement deux acteurs. On est content quand on a deux acteurs. Et c'est ça vraiment le cœur du problème. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc tout au long de cette heure des GAFAM pour poser la question finalement de leur taille critique et des réactions à avoir face à cette taille critique. Faut-il aller, faut-il pousser vers un démantèlement, vers une séparation de leurs activités en différentes entreprises? Nous en parlons avec Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, et Tristan Nitto, vice-président de Quant. On y reviendra d'ailleurs dans un instant. Peut-être un mot rapidement, Sébastien Soriano. J'ai donné quelques chiffres au début de cette émission pour évaluer l'ampleur de cette situation monopolistique qui est celle des GAFAM. Est-ce que vous avez quelques chiffres, quelques données en tête qui pourraient nous permettre de mesurer exactement quelle est leur situation sur le marché du numérique ? Je crois que un chiffre qui est particulièrement parlant, c'est celui de la capitalisation boursière de ces acteurs. Si vous regardez quelles étaient les grandes entreprises mondiales, vous aviez essentiellement des entreprises du secteur pétrolier, quelques grands constructeurs automobiles et des banques. Ça, c'était le paysage que vous aviez il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, vous avez quelques grands acteurs, effectivement, du numérique, qu'ils soient américains ou chinois en général, qui sont les plus grandes capitalisations mondiales. Vous avez des acteurs qui ont des bases de clients de plusieurs milliards, enfin, centaines de millions et parfois au-delà du milliard d'individus. Et donc, ce sont des effets d'échelle que l'on n'avait jamais atteints jusqu'à présent. Et ça, je crois que c'est ça qui est particulièrement impressionnant. On dit souvent ils sont plus forts que les États. C'est parce que, effectivement, sur la France, Google est une entreprise qui n'est pas si puissante que ça. Mais son poids, c'est d'être présent à l'échelle mondiale. Et ça lui donne une puissance de frappe qui est jusqu'à présent inédite. Tristan Nitto. Oui, c'est sûr que aujourd'hui 2 milliards et quelques d'utilisateurs pour Facebook, c'est beaucoup. Et en même temps, il faudrait quand même pas les prendre pour des clients. Parce que là, moi, je pense que si on les considère comme des clients, on réfléchit sur des mauvaises bases. Souvent, quand je parle à des gens, je leur dis est-ce que vous êtes client de Google ou de Facebook? Et ouais, bah oui, on est des consommateurs, c'est des entreprises, et donc ils se mettent naturellement, psychologiquement, dans cette idée que ils sont clients puisque c'est des entreprises. Mais non. Non, et je leur demande généralement, quand vous voyez deux vaches dans un champ, est-ce que vous pensez qu'elles sont clientes du fermier ? Ah ben non, c'est stupide. Évidemment que la vache n'est pas cliente du fermier, alors elle est logée gratuitement, nourrie gratuitement, elle est peut-être contente d'être là, bon, elle va finir à la boucherie et on lui prend son lait entre-temps et ses veaux. Le fait est qu'elle n'est pas cliente du fermier. Et ben c'est pareil chez Google et Facebook, on est le bétail de ces plateformes, parce que le vrai client, c'est l'annonceur publicitaire. Et donc, en fait, ils retiennent les utilisateurs avec des services intéressants, ils leur pompent de la donnée personnelle et les nourrissent avec de la publicité ciblée. Tout ça est finalement extrêmement pervers parce qu'on a l'impression qu'ils sont généreux, qu'ils nous font des cadeaux avec des services gratuits. Et la vérité, c'est que non, ils nous traitent comme du bétail. Ça, c'est le vieil adage, si ça n'est pas payant, c'est que le produit, c'est vous. Néanmoins, ce qui est intéressant, quand on regarde aujourd'hui cette histoire d'un éventuel démantèlement et de quelques partisans, notamment aux États-Unis, notamment dans le camp démocrate, qui invoquent l'histoire. Alors l'histoire, il y a effectivement aux États-Unis une histoire intéressante, assez forte, de destruction de monopoles. Paul, on en reparlera, hein, via le Sherman Antitrust Act, que ce soit dans le système pétrolier d'abord, puis dans le système des télécommunications. Mais avant de parler de ces exemples historiques, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Tristan Nitto, parce que dans le domaine du numérique, finalement, Sébastien Soriano, on a déjà vu ça. Microsoft, avec Internet Explorer, avec Windows Media Player, par la voix notamment de la Commission européenne, s'est fait taper sur les doigts, a été obligé d'introduire de force de la concurrence et de renoncer à certaines parts de son monopole. C'est de l'histoire récente, ça. Oui, effectivement, force est de constater qu'on n'a pas appris de l'histoire et qu'on n'a pas su anticiper ce qui allait se passer avec ces grands acteurs. Alors moi, je préfère les appeler des big tech que les GAFA, parce que c'est... GAFAM, pour remettre Microsoft dans le lot, il a parlé. Voilà, bon, justement, comme tout le monde n'est pas d'accord sur la liste, moi, je préfère parler des big tech. Parlons donc des big tech. Si non, mais c'est un choix personnel. Je suis d'accord avec vous, parce qu'en fait, mettre Apple dans le même sac qu'un Google et qu'un Amazon, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Bon. Amazon a vraiment un business model très différent. Très bien. Apple aussi. Et au fond, je crois que ce qu'on a vraiment raté dans l'analyse, dans la compréhension économique de ce qui était en train de se passer, c'est la notion d'effet de réseau, ce qu'on appelle aussi la loi de Metcalf. La notion d'effet de réseau, c'est quelque chose de très simple. C'est que si vous créez un service, par exemple un réseau social comme Facebook, eh bien ce service, il est d'autant plus attractif qu'il y a déjà vos amis qui sont sur le réseau. Et donc, au début, évidemment, c'est très dur de créer un réseau social parce qu'il n'y a personne dessus, donc c'est pas intéressant de se connecter. Mais une fois que vous passez une certaine taille critique, vous avez ce qu'on appelle un effet boule de neige. C'est-à-dire que les gens viennent s'abonner ou s'inscrire à votre service parce que les autres sont déjà dessus. Et cette loi des effets de réseau, elle est extrêmement puissante chez tous les acteurs du numérique, parfois de manière inattendue. Par exemple, Google, pour prendre l'exemple d'un moteur de recherche, on peut se dire, Google, sa performance, c'est que son algorithme de recherche est très performant. Mais en fait, il y a d'autres facteurs beaucoup plus insidieux. Comme tout le monde va sur Google aujourd'hui, Google sait très bien ce que les gens cherchent. Il sait les questions que chacun pose. Et ensuite, Google sait sur quoi vous avez cliqué au bout de la combientième page. Et donc, cette information de savoir qu'est-ce que les gens ont cherché et ce sur quoi ils ont cliqué, ça va les rendre plus intelligents pour répondre à des requêtes semblables d'autres personnes. Et donc, on voit là que le fait d'être déjà dans la place, d'être déjà l'acteur de référence, ça vous rend plus efficace. Et donc, au bout d'un moment, la sélection, c'est-à-dire la performance entre les acteurs et le choix que peut faire le consommateur d'aller voir tel ou tel acteur, n'est plus lié à la qualité intrinsèque du service. Elle est juste liée au fait que vous êtes le meilleur acteur de la place. Et ça, c'est un énorme défi par rapport à toute la théorie économique. C'est-à-dire qu'on a vécu sur ce qu'on appelle le paradigme schumpeterien, c'est-à-dire c'est le meilleur innovateur qui va l'emporter et qui va remplacer les autres. Eh bien, ce mécanisme ne fonctionne plus parce que ces grands acteurs de la tech sont protégés par ces effets de réseau. Et ce qui fait que, alors qu'on a pensé que, comme Facebook avait remplacé MySpace et Google avait remplacé AltaVista, eh bien aujourd'hui, personne ne remplace les big tech. C'est très important ce que vous venez de dire et on va y revenir à plein d'égards et tout à l'heure quand on va parler des solutions parce qu'on va se rendre compte qu'effectivement cet effet de réseau c'est une sorte de ticket d'entrée qu'il est très difficile et de plus en plus difficile d'acquérir au vu de l'ampleur aujourd'hui de ces big tech pour utiliser votre terminologie. J'aimerais tout de même qu'on revienne sur cette histoire récente, hein, celle notamment de Microsoft et de ce qui s'est passé que vous évoquiez tout à l'heure Tristan Nitto, c'est-à-dire qu'on a vu dans l'histoire récente sans avoir besoin de remonter à l'histoire de Rockefeller et de sa compagnie pétrolière démantelée par le Sherman Antitrust Act, on a vu un géant du numérique qui s'est fait, pour utiliser une expression familière que vous me pardonnerez, tailler des croupières, à qui on a dit à un moment donné, vous ne pouvez pas être en situation monopolistique sur l'ensemble de ces territoires. Vous pouvez nous rappeler en quelques minutes ce qui s'est passé, s'il vous plaît, oui. Tristan Nitto, et voir en quelle mesure cela peut ou pourrait être appliqué à la situation actuelle. Alors, en fait, c'est très simple. Au début, il y avait Microsoft qui avait deux grandes parties de business. La première, c'était Windows, vendre une plateforme avec des ordinateurs sous Windows. C'est une plateforme, en ce sens qu'en tant que telle, ça ne fait rien tant que vous n'avez pas mis des applications dessus. C'est cette relation qui est essentielle, on va le voir par la suite. Mais la force de la plateforme, c'est que vous en avez besoin pour faire tourner des applications. Les applications, ce qui est vraiment utile. Ça va être un traitement de texte, un tableur, un réseau social, la messagerie, etc. C'est ça que veut l'utilisateur au final. Mais il a besoin d'une plateforme pour la faire tourner. Et donc le business de Microsoft, c'était vendre la plateforme Windows, mais aussi vendre les applications les plus connues, en l'occurrence ce qu'on appelait à l'époque le pack Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Et puis un jour, le web est arrivé, et avec la société Netscape qui a popularisé le navigateur web auprès du grand public. Et les gens de Netscape ont commencé à dire, mais vous savez, c'est le web, c'est formidable, ça tourne sur Windows, ça tourne sur les Mac et ça tourne aussi sur ce qu'on appelait à l'époque des machines Unix. Et donc, à partir du moment où vous avez un navigateur web, et d'ailleurs, Netscape fournit un navigateur web, et regardez, il est gratuit ou quasiment gratuit, sauf pour les entreprises, mais voilà, vous avez ça, vous vous affranchissez du problème de ce que c'est qu'une plateforme, que vous ayez Windows ou autre, vous aurez accès au web, et sur le web, qui est lui-même une plateforme, vous aurez toutes les applications que vous voudrez plus tard. Là, on n'y est pas encore tout à fait, mais on est en train de le construire, ça va venir bientôt. Et là, crise de panique chez Microsoft, qui d'un coup se trouve, ils avaient le monopole de la plateforme, celle que tout le monde utilisait, en disant, mais en fait, on est devenu complètement banalisé par le web. Alors, c'est pas encore fait, mais ça va venir, ça se profile, il faut réagir. Et la méthode qu'ils ont choisie, c'était de dire, puisque nous avons encore le monopole sur Windows, nous allons construire notre propre navigateur, qui s'appelle Internet Explorer, quasiment disparu aujourd'hui, à part sur les vieilles machines, et nous allons le faire gratuit, face à Netscape, qui va être donc déstabilisé, et mieux que ça, nous allons l'intégrer dans Windows, ce qui fait qu'avec le renouvellement des PC, vous aurez un nouveau PC avec le temps qui passe, vous avez un nouveau PC, vous avez Windows et avec vous avez Internet Explorer, et donc vous n'avez plus d'intérêt à utiliser Netscape Navigator, qui était le navigateur de Netscape. Est-ce qu'il y a eu la peau de Netscape par ailleurs? Ça, effectivement, Netscape en est mort, mais Microsoft a été attaqué par le Department of Justice américain en disant, mais attendez, là, vous faites exactement ce qu'il est interdit de faire, parce que c'est mauvais pour le consommateur. Vous aviez déjà un monopole Windows, et en fait, vous faites levier sur ce monopole pour acquérir un nouveau monopole sur le marché des navigateurs, qui est un marché différent de celui des systèmes d'exploitation type Windows. Et donc, avec le risque clairement compris par le législateur, qui est, eh ben en fait, vous faites la théorie des dominos. Vous avez un monopole, et hop, vous en avez maintenant un deuxième, et grâce à ce deuxième, vous en avez un troisième, et à la fin, vous avez le monopole sur tout, et les gens sont complètement asservis. Ce qui s'est passé avec Windows Media Player, c'est la même chose pour un lecteur de contenu multimédia. Oui, c'était facile pour eux, avec le monopole sur la plateforme, de commencer à acquérir le monopole sur les applications. Ils l'ont fait avec Word, ils l'ont fait avec Excel, etc. Ce qu'on entend, Sébastien Soriano, c'est que ce que vient de décrire Tristan Nitto, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans d'autres secteurs, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, c'est-à-dire utiliser un monopole et puis en acquérant des sociétés, non plus en développement forcément du coup des logiciels ou des applications, et bien petit à petit, voilà, en acquérir de nouveau dans d'autres secteurs. Pourquoi est-ce que ce qui s'est passé avec Microsoft ne serait pas applicable aujourd'hui à ce qui est en train de se passer, notamment avec Facebook et Google ? Alors d'abord, il y a eu une réaction de la Commission européenne qui a sanctionné Google à deux reprises récemment. Donc la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, qui, comme vous le savez maintenant, une potentielle candidate pour être présidente de la Commission européenne, a prononcé des sanctions très importantes de plusieurs milliards d'euros à l'encontre de Google, justement pour avoir fait ce genre d'effet de levier en utilisant son monopole sur un marché pour l'étendre vers un autre. Donc 4 milliards en 2018 pour Android. Donc il y a Google Shopping aussi. Et Google Shopping, 1,5 milliard pour la régie publicitaire AdSense au mois de mars dernier, etc., etc. Voilà. Donc il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout a été bien anticipé. Et notamment, il y a un point que vous avez souligné, qui est celui des acquisitions. C'est-à-dire que il y a une chose qui est de faire ce qu'on appelle de la croissance interne, c'est-à-dire de développer des nouveaux services qu'on a inventés en interne. Et ça, le droit de la concurrence ne peut pas l'empêcher. Je veux dire, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des bonnes idées. Mais une autre chose, c'est effectivement d'aller chercher les bonnes idées à l'extérieur. Et ça, je pense qu'il y a eu une claire naïveté de la part des autorités de concurrence qui ont laissé faire, qui ont laissé les big tech faire leurs courses, racheter des pépites et ainsi créer des conglomérats absolument extraordinaires. C'est quand même fou de se dire qu'on a laissé Google racheter YouTube, on a laissé Google racheter Android, on a laissé Facebook racheter WhatsApp. Après, avec le et recul, Instagram. Avec le recul, c'est absolument sidérant. Comment on explique que les autorités de régulation de la concurrence, qui sont très attentives pourtant à ne pas créer justement d'oligopole à ce point-là puissant, et les autorités de la concurrence américaine le sont normalement particulièrement, comment se fait-il qu'elles n'ont pas réagi à ces rachats? Est-ce qu'on a une explication à ça? Sébastien Soriano? Oui, oui. D'abord, moi, je voudrais pas leur taper dessus à ces autorités, et je m'associe complètement à leur échec, ayant moi-même travaillé à l'autorité de la concurrence française. Donc, je suis pas en train de donner des leçons après coup. C'est un échec auquel je m'associe. Je pense que nous avons cru. Nous avons sous-estimé ces effets de réseau dont je parlais tout à l'heure, et nous avons cru au paradigme schumpeterien. C'est-à-dire que nous avons pensé que finalement tout ça c'était très innovant, ça bougeait très vite, et que c'était pas très grave si Facebook achetait ce service avec quelques millions d'utilisateurs, finalement c'était pas si énorme, et que bah oui, il y aurait quelqu'un dans un garage qui dans quelques semaines inventerait quelque chose de très disruptif et complètement différent, et qui remplacerait ces innovations. Donc je crois qu'on a été trop confiant, trop enthousiaste aussi vis-à-vis du numérique en se disant tout ça, ça bouillonne, ne créons pas trop d'entraves. Si on commence à vouloir réguler l'innovation, on va la brider. Voilà, je pense que c'est vraiment cet état d'esprit qui nous a guidés pendant trop longtemps et qui aujourd'hui nous a amenés dans cette impasse. Alors que le marché était précisément en train de se fixer. Absolument. Et ce qu'on a sous-estimé, c'est le fait qu'il n'y aurait pas d'aller-retour. C'est-à-dire que ce qu'on a sous-estimé encore une fois, c'est cet effet d'accumulation avec ces effets de réseau qui fait que aujourd'hui, c'est extraordinairement difficile de réouvrir le jeu. Tristan Nitto, un mot tout de même pour compléter ce que vient de dire Sébastien Soriano, mais aussi parce que, comme il vient d'être dit, des amendes lourdes, on parle d'amendes en milliards de dollars, ont été prononcées. Ça n'a pas du tout, pour le moment en tout cas, l'effet que ça a pu avoir à l'époque sur Microsoft, puisque, comme vous l'avez souligné, après la condamnation de Microsoft pour Internet Explorer, c'est la naissance de Mozilla, c'est l'ouverture de la brèche pour de nouveaux moteurs de recherche, de nouveaux logiciels de navigation, etc. Oui, alors moi je suis assez dubitatif sur l'efficacité de la régulation au niveau de Microsoft. C'est-à-dire que médiatiquement ça a été catastrophique pour eux. Ils sont mis en fait, parce que ils avaient quand même des habitudes dans le domaine, à traîner tellement de casseroles que ça devenait gênant pour le business parce qu'ils commençaient à avoir une réputation de chacal. Alors bon, évidemment on n'avait plus envie de travailler avec eux. Et ils se sont dit non, voilà, on va calmer le jeu. Et avec des logiciels qui en plus techniquement étaient pas très très solides. Voilà. Pour le dire euphémistiquement. Et donc, c'est plus là que ça a joué, mais en fait, il y a eu, en termes de régulation, ce qui a été fait n'a pas été très efficace. Il n'y a pas eu d'amende record. Ils ont été obligés de changer de braquet. Je pense que Mozilla a changé les choses parce qu'il est devenu une alternative. A émergé, mais sans l'aide du régulateur, objectivement. Néanmoins, moi, j'ai jamais touché d'argent de la Commission européenne ou de je ne sais qui pour développer Mozilla. Rien, zéro. Mozilla, Safari, Chrome évidemment derrière, et puis Windows Media Player aujourd'hui n'existe plus. VLC, il y a d'autres lecteurs qui sont nés, d'autres players qui sont arrivés. Winamp pour la musique. Enfin, ça a quand même ouvert des brèches. Oui. C'était plus un signal Et en plus, si vous voulez, de toute façon, Microsoft avait perdu tout intérêt pour Internet Explorer. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient eu ce qu'ils voulaient, tuer Netscape, et ils ont complètement arrêté d'investir dans Internet Explorer. Et c'est ce qui a permis au projet Mozilla d'émerger, c'est qu'en fait, Microsoft s'était endormi au volant, et que donc, on a pu construire un navigateur qui était meilleur que celui de Microsoft, alors qu'il n'y avait rien à gagner. C'est pour ça que Mozilla, c'est une fondation, c'est à but non lucratif. C'est que vous ne pouvez pas arriver et faire un business plan en disant je vais faire un navigateur gratuit pour contrer celui gratuit et mauvais de Microsoft à l'époque, parce que de toute façon, il n'y a pas d'argent à gagner. Après, les choses ont changé. Google a fait un navigateur, en l'occurrence Chrome, qui est en situation monopolistique aujourd'hui. Enfin, on peut estimer que, j'ai pas les chiffres, mais ils ont au moins 60% de part de marché, si ce n'est plus. Et tous les autres sont en fait des clones de Chrome, enfin, ou des sous-versions de Chrome. Il y a que Firefox et sa dizaine de pourcents qui résistent. C'est-à-dire qu'en fait, Firefox à 10% et Chrome et ses dérivés, c'est quasiment 80% et puis peut-être quelques pourcents pour Safari. Donc, fondamentalement, ça c'est parce que Chrome a un business model, c'est que c'est le cheval de Troie de Google Search. C'est un business model dérivé, mais en fait du moteur de recherche de Google. Donc, voilà, exactement. Sébastien Soriano, sur finalement la façon dont Chrome, mine de rien, a réussi à s'engouffrer dans cette brèche-là, et ensuite a fait avec Mozilla, ou en tout cas a tenté de faire avec Mozilla, ce que Microsoft a réussi à faire avec Netscape. C'est-à-dire, on sait comment Google a empêché Mozilla de fonctionner de plus en plus, a entravé son fonctionnement, le fonctionnement de Firefox. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Tristan Nitto sur le fait que, en termes de régulation, les décisions de la Commission européenne vis-à-vis de Microsoft n'ont pas bien trouvé la manière d'aider les concurrents. Mais ça a été quand même un signal. Et c'est quand même la responsabilité de ces autorités de concurrence, à un moment, de taper du poing sur la table pour permettre d'ouvrir les vannes. Ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que, d'ailleurs, dans les années 50, dans les années 60, aux États-Unis, il y a une politique de concurrence extrêmement vigoureuse qui a permis d'ouvrir des brevets de Xerox. Il y a eu aussi une décision très forte vis-à-vis d'AT&T, vis-à-vis d'IBM. Et ça, cette politique antitrust très forte, elle a bénéficié à des nouveaux entrants, qui sont les acteurs de la Silicon Valley. AT&T démantelé en 1982, moment où ils avaient plus d'un million d'employés, etc. Et ce qui est triste, c'est que on a manqué ces opportunités, notamment en Europe. On a manqué des vagues d'innovation qui ont été ouvertes à ce moment-là. Et je pense que c'est le vrai défi de l'Europe maintenant, c'est de savoir, ok, on peut pleurer, on peut taper sur les acteurs en place, c'est une chose, mais le vrai défi maintenant, c'est de quelle est la réponse qu'on peut apporter qui va aider l'émergence d'alternatives. Est-ce que vous pensez que la politique antitrust américaine, cette ancienne politique qui a fait ses preuves, aujourd'hui, elle ne pourrait plus être opérante dans le contexte économique actuel ? Si, bien sûr. Mais il faut inventer des outils spécifiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement taper sur les grands acteurs. Il faut trouver la manière de les ouvrir, hein, pour que, notamment, d'ouvrir leurs données, d'ouvrir ce qu'on appelle des interfaces qui permettent à de nouveaux acteurs de se développer dans ces écosystèmes. Tristan Nitto, vous partagez ce point de vue ? Absolument. La régulation en tant que telle, old school, enfin, en l'ancienne façon. Par la loi, en forçant avec un petit biche. C'est compliqué parce que la loi évolue forcément moins vite que la technologie qui évolue à une vitesse hallucinante, qui peut prendre les gens à contre-pied, etc. Donc c'est un premier point. Et puis effectivement, donc il faut trouver des alternatives. Et ces alternatives, moi je vais en soumettre deux. Un, l'interopérabilité. Alors vous me pardonnerez le mot un peu compliqué, mais c'est la possibilité d'ouvrir ces interfaces, faire fonctionner un système existant avec d'autres systèmes, donc ils sont interopérables, ils peuvent opérer entre eux, étymologiquement, ça c'est une première possibilité. Et la deuxième chose, c'est la portabilité des données. Puisque vous avez vos données chez Facebook, peut-être vous pourriez les prendre et les porter ailleurs pour que vous perdiez pas vos amis. Voilà, deux mots qu'il faudra explorer. Eh bien, on va précisément les explorer dans la deuxième partie de cette émission dans un instant. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole wide world in his hand. He's got the little bit of baby in his hands. He's got the little bit of baby in his hands. He's got the little bit of baby in his hands. He's got the He's got the whole world in his hands. Il a tout le monde entre ses mains, de Mahalia Jackson sur France Culture à 16h35. C'est un peu ce dont on parle au cours de cette heure, puisque nous parlons des big tech. Nous ne voulons plus les appeler les GAFAM, puisque toutes ces entreprises ne sont pas exactement sur le même statut. Nous parlons de la question de leur démantèlement. Ces entreprises sont-elles devenues si grosses, si puissantes qu'il faille aujourd'hui les scinder en plusieurs petites entités? Nous en parlons avec Sébastien Soriano, qui est le président de l'ARCEP, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, et avec Tristan Nitto, qui est vice-président de Quant et ex-président et fondateur de Mozilla Europe. Mais tout de suite, comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maxime Djersak. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes ex-doctorant à l'Université Grenoble-Alpes. Vous travaillez sur le consentement et le droit des données personnelles dans le domaine des technologies de l'information. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous écoute pour la présentation de vos travaux. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, je vais donc vous parler de la question de la protection des données personnelles, mis en avant notamment suite à l'adoption par le Parlement européen du règlement sur la protection des données, communément appelé RGPD. C'est surtout les nombreuses affaires ayant éclaboussé certaines entreprises qui ont contribué à la prise de conscience collective quant à l'utilisation de nos données. On peut citer à titre d'exemple le scandale Cambridge Analytica aux États-Unis, ou encore la sanction de 50 millions d'euros prononcée par la CNIL contre Google, dont vous avez parlé tout à l'heure. Dans ces affaires, outre l'atteinte à la vie privée des personnes, toutes ont un point commun, c'est la question du consentement à l'utilisation des données. Dans le cas de Facebook, c'est assez simple, puisque les personnes concernées n'avaient tout simplement pas donné leur consentement à cette utilisation. Pour Google, c'est la façon dont le consentement était recueilli par l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui posait problème. En effet, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, tout citoyen européen doit pouvoir donner son consentement à l'utilisation de ces données. Le consentement est donc un fondement légal au traitement des données, mais il peut également servir de dérogation à l'utilisation de certaines données, dont l'usage est par principe interdit, comme les opinions religieuses, les données de santé ou les condamnations pénales. Un des enjeux est donc d'analyser la portée de ces deux rôles, fondement et dérogation, et les différentes formes d'expression du consentement. En cela, l'interprétation stricte ou souple des textes est un enjeu majeur pour une économie des données en pleine effervescence. Le risque d'une législation trop stricte pourrait être la disparition des petits acteurs, notamment français, n'ayant pas les moyens de s'adapter, tout en favorisant les GAFA, qui eux disposent d'armées de juristes et de moyens financiers démesurés. A contrario, adopter une législation trop souple ferait peser le risque d'une disparition de facto de la vie privée et de son corollaire, le droit au respect de celle-ci. Pour tenter de mieux définir le consentement, j'ai donc dans un premier temps procédé à une approche théorique, en établissant une synthèse des ouvrages de droit traitant de la question. Une des problématiques principales est le peu de textes à notre disposition par comparaison avec des sujets juridiques éprouvés. J'ai donc décidé de reprendre la notion du consentement à partir d'un domaine où il est très bien défini, et c'est le cas en matière contractuelle, puisque le consentement est une condition nécessaire à la formation d'un contrat, mais peut également permettre de déroger à certaines règles dites supplétives. En faisant une analogie entre le consentement en droit des données et le consentement dans la vie du contrat, on observe l'existence de trois phases successives similaires. Tout d'abord, l'expression et le recueil du consentement. Ensuite, la conservation et la charge de la preuve du consentement. Et enfin, la disparition ou la caducité du consentement. Cette idée nous permet donc d'envisager un régime juridique du consentement en droit des données qui serait proche de celui qui est existant en matière de contrat. Dans son caractère dérogatoire également, le consentement interroge aussi sur les limites de ce pouvoir de dérogation. Quelles sont les règles impératives auxquelles le consentement ne peut pas déroger? Un parallèle intéressant ici peut être fait notamment avec l'ordre public qui justifie l'interdiction du commerce d'organes alors même que nous pouvons normalement disposer de notre corps, comme nous l'entendons, comme nous pouvons disposer de nos données. Face à cette matière nouvelle, mon analyse s'est également attachée à l'observation de la pratique des différents acteurs. En effet, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une entreprise de veille stratégique de réputation numérique qui analysait des données des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tant que juriste délégué à la protection des données dans le groupement hospitalier de territoire Bresse-Aubugey, porté par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, j'ai l'occasion de découvrir de nouveaux questionnements liés au secteur de la santé, comme la question notamment du consentement des ayants droit pour l'utilisation des données d'une personne décédée dans le cadre d'une étude clinique, sujet qui intéresse aussi les réseaux sociaux puisque le nombre de comptes sur Facebook de personnes décédées devrait d'ici 50 ans dépasser celui des vivants. Après un an, on peut donc déjà entrevoir quelques tendances qui se dessinent. Si les formes de recueil du consentement et de l'information préalable se précisent en jurisprudence, on observe également déjà l'évolution de pratiques dont on peut s'interroger sur la sincérité. À titre d'exemple, beaucoup d'entreprises tentent aujourd'hui de contourner l'exigence de consentement en fondant la légalité de leur traitement sur la notion encore floue d'intérêt légitime, ce qui promet certainement des arrêts intéressants sur le sujet. Les autorités de contrôle et les juges préciseront au cours de ces prochaines années nombre de notions. Et j'aurai à cette occasion la chance d'être un spectateur contemporain de la construction de cette nouvelle réglementation sur la protection des données. Rendez-vous donc dans quelques temps pour faire le bilan. Merci beaucoup Maxime Girsac d'avoir été avec nous à la recherche Montre en main, une chronique qu'on peut retrouver comme toutes les semaines et bien sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h41, nous allons donc nous consacrer à ces solutions, comment faire pour contourner, pour démanteler, pour prendre en petite partie ces immensités que sont devenues les big tech. Et au chapitre des solutions, eh bien, comment proposer aux consommateurs une alternative aux services proposés par ces entreprises, comment engager une forme d'entreprise en quelque sorte de désintoxication. Bonjour Noémie Aguette-Saint-Villefranc. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue dans ce studio. Vous avez essayé de trouver donc des solutions à votre addiction névrotique à Twitter. Oui, et j'ai rencontré pour ça Pierre-Yves Gosset, qui est directeur de Framasoft, une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Et c'est suite aux révélations d'Edward Snowden, qui pointait notamment du doigt le fait que la concentration des GAFAM rendait une surveillance de masse économiquement possible, qu'il a lancé en 2014 « Dégoogleisons Internet ». C'est une campagne qui a pour objectif de proposer aux consommateurs des services alternatifs à ceux proposés par Google aujourd'hui. L'idée générale est de casser les monopoles et de redistribuer les services aujourd'hui concentrés chez les GAFAM à de plus petites structures. On a lancé cette campagne avec trois objectifs. Le premier, c'était de sensibiliser le public à ces questions de centralisation d'Internet, de concentration des pouvoirs. Le deuxième objectif, c'était de démontrer qu'il existait des alternatives et qu'elles étaient disponibles, même si elles sont souvent un peu moins jolies, moins performantes, etc. Et le troisième objectif, c'était d'essaimer notre démarche, puisque nous visons pas du tout à être le Google du libre, mais on voulait être une association qui montrait que c'était possible, et petit à petit essayer d'essaimer notre démarche au travers d'autres structures, que ce soit des associations, des entreprises, qui pourraient reprendre un petit peu le modèle de ce qu'on faisait. Et alors j'ai bien compris que l'idée c'était de découper Google en petits services. Quels sont les types de services que vous proposez chez Framasoft ? Alors, on propose aujourd'hui 34 services alternatifs à ceux de Google, Facebook, Microsoft. La campagne s'appelait « Dégooglisons Internet », mais c'était vraiment « Dégafamisons Internet ». On avait choisi Google parce que c'est une des entreprises qui présente l'un des plus gros problèmes de concentration des pouvoirs. Et on voulait, en présentant ces 34 services alternatifs, montrer que, tout simplement, mon cousin, un professeur, un comptable pouvait utiliser autre chose que Google. Et donc, dans les différents services qu'on a mis en place, on a, par exemple, Framapad, qui a une alternative à Google Doc, qui permet de rédiger collaborativement des documents en ligne. La différence, c'est que nous, on ne capte pas les données, on est sans publicité et on est uniquement financé par les dons. Et ce qui nous permet de faire ça aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le logiciel libre. Ce sont des logiciels qui sont développés le plus souvent par des utilisateurs ou des utilisatrices qui participent à ce qu'on appelle un commun numérique, c'est-à-dire que la recette de cuisine du logiciel est disponible, on va pouvoir l'améliorer. Et puis, il y a une partie de ces logiciels libres qui sont aussi des fois développés par des entreprises. Donc nous, on s'est fait porteur de cette idée que le logiciel libre était une réponse à la problématique de la centralisation de Google en disant, ben, voilà, les gens utilisent massivement Google Doc et il est possible d'avoir finalement des alternatives qui ne nous obligent pas à passer par Google. Là, aujourd'hui, Framapad, c'est plusieurs centaines de milliers de pads qui sont ouverts, c'est plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs chaque jour et ça montre bien que un autre Internet est possible. Framapad, ce n'est pas nous qui l'avons développé, c'est basé sur un logiciel libre qui préexistait qui s'appelle Etherpad. Après, on en a développé nous-mêmes. Par exemple, on a développé une alternative à YouTube qui s'appelle Peertube. La problématique de YouTube, c'est quoi ? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, c'est que c'est un service qui est extrêmement concentré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la plateforme de diffusion de vidéos. Alors, chaque minute qui passe, c'est 500 heures de vidéos qui sont rajoutées sur YouTube. Donc, il y a un problème de concentration. Un des problèmes qu'on voit avec YouTube, c'est son algorithme qui fait que quand on regarde une vidéo de chaton, on a une vidéo d'extrême droite qui va s'afficher à côté. Pourquoi ? Parce que l'algorithme de YouTube est fait pour que vous passiez le maximum de temps en ligne et que ce qui maintient l'attention des gens, ce sont des vidéos qui font le clash, qui font le buzz. Et donc, il fallait pouvoir montrer qu'il y avait d'autres possibilités. Et la problématique qu'on avait, c'était que si on ouvrait un service alternatif à YouTube, on risquait d'avoir des centaines, des milliers d'heures de vidéos déposées chaque jour, ce qui aurait eu un coût non négligeable. Et donc, on a choisi de développer Peertube sur une technologie qui s'appelle la fédération. Elle permet de mettre différents petits YouTube en relation les uns avec les autres, avec le Peertube de Framasoft, le Peertube de Radio France, le Peertube de DataGueule qui héberge leur propre Peertube, etc. etc. Et du coup, le fait de les mettre en relation permet, en entrant sur une seule de ces installations, d'avoir accès finalement aux vidéos qui sont ailleurs. Et donc de répartir et de mutualiser le coût d'hébergement et de diffusion de ces vidéos, ce qui est absolument essentiel si on veut sortir de ce confort de la centralisation. Il faut proposer un autre modèle. Vous n'utilisez pas du tout les données personnelles des utilisateurs ? Non, on s'en contrefiche. On pourrait y avoir accès. La grosse différence, clairement, avec Google, c'est que nous n'en faisons aucune exploitation commerciale. Les gens viennent utiliser nos services. Si ça leur plaît, ils peuvent faire un don. Et par rapport au logiciel que vous avez développé ou dont vous vous servez chez Framasoft, comment vous voyez les choses à plus ou moins long terme en termes de développement et d'augmentation d'utilisation ? Alors, nous, on ne vise absolument pas à être le Google du libre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est décentraliser. On répartit le pouvoir. On revient un petit peu aux fondamentaux d'Internet qui dit que l'intelligence du réseau, elle se trouve plutôt en périphérie du réseau plutôt que centralisée sur quelques très gros points. Pour faire ça, on a choisi d'essaimer les différents processus, technologies que nous, on a pu mettre en œuvre auprès d'autres structures pour qu'elles puissent non pas monter un Framapad, mais monter un Totopad, un Affinipad, un Aprilpad, ce qui fait que ça crée une forme de résilience. Si Framasoft, demain, met la clé sous la porte, eh bien, il y aura d'autres structures qui pourront prendre la suite. Les technologies sont là, elles existent, elles fonctionnent chez d'autres structures et c'est pour nous la meilleure solution de résistance à cette concentration du pouvoir chez les GAFAM. Et est-ce qu'il est vraiment possible de proposer des alternatives à tous les services de Google aujourd'hui ? Oui, évidemment, c'est un coût qui est infiniment moindre. J'avais fait le calcul, je crois, de quel était le rapport entre le chiffre d'affaires de Google et le budget annuel de Framasoft. On tombait sur 3 secondes du chiffre d'affaires, voilà, c'est absolument ridicule. Et pourtant, on est capable aujourd'hui, avec 9 salariés et donc 35 adhérents, de fournir un service à peu près 500 000 personnes chaque mois. Donc avec très très peu de temps salarié, on est en capacité de répondre à une très très grande demande. Maintenant, ce qui sous-tend votre question, c'est jusqu'où on peut aller en grossissant. Nous, on pense que grossir est une erreur. On pense qu'au contraire, il faut plutôt créer une espèce de réseau d'AMAP du numérique, un petit peu comme il y a les réseaux d'AMAP des associations de maintien de l'agriculture paysanne qui sont en capacité de vous fournir des choux et des carottes produits par des producteurs qui sont au plus proche de vous. On pense et on espère voir se développer un réseau d'AMAP du numérique qui seront en capacité de vous proposer des services au plus proche de chez vous et que pour nous, un effet positif, attendu, important, c'est de réduire la distance qu'il y a entre les utilisateurs et les utilisatrices du numérique et les producteurs et productrices du numérique. Voilà ce reportage du jour chez Framasoft pour essayer de réfléchir donc aux solutions ou simplement une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Sébastien Soriano. Oui, ce que j'apprécie dans ce témoignage, c'est un état d'esprit positif. Hein. C'est-à-dire, il faut faire attention sur ce sujet des big tech et du numérique, de pas tomber dans un espèce d'état d'esprit qui serait négatif, dépressif, dans lequel tout serait dangereux et où la seule solution serait de barrer la route à des acteurs en place. Je crois que il faut renouer avec une sorte d'esprit de conquête. Et il faut être ambitieux. Il faut se dire que nous, en Europe, parce qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'acteurs européens, pas de grands acteurs européens. De se dire que nous... dit-il de moi, le vice-président de Quant. Il n'est pas encore assez grand. Non, on est d'accord. On va y venir dans un instant. Ce sera peut-être un jour. Mais aujourd'hui, on n'a pas de grands acteurs. Il y aura... Et moi, je suis pas non plus pour dire il faut que des grands acteurs. Moi, j'apprécie la diversité et donc j'apprécie ce qui a été dit par Framasoft sur le fait qu'il y a d'autres modèles qui sont pas nécessairement à la recherche de la taille critique. Mais en tout cas, cet état d'esprit de conquête qui est de dire nous, l'Europe, on peut avoir des acteurs à nous, on peut avoir un modèle à nous, on peut avoir une cohabitation, on peut avoir une diversité pour peser face aux big tech et avoir nos alternatives. Je pense que c'est vraiment ça la voie qu'il faut suivre. Alors justement, du coup, Tristan Itto, vice-président de Quant, moteur de recherche, open source, qui n'utilise pas les données personnelles. la réaction de Sébastien Soriano qui dit il n'y a pas d'acteur européen finalement suffisamment important. On revient à cet effet de réseau, à la taille critique. Comment on fait? Alors effectivement, quelle est la recette? Moi, je suis absolument pas dans la résignation. Je suis un passionné du numérique depuis toujours. Je trouve que c'est formidable, mais je trouve que ces dernières années, en fait, ce business model de la publicité ciblée qui implique une centralisation et une collecte de données personnelles pour cibler la pub, en fait, c'est toxique. Alors, très bien. Mais je reste pas les bras croisés. Et chez Quant, depuis bientôt 6 ans, on fait un moteur de recherche qui est déjà souverain, au sens qu'il est français et il a une vocation européenne. Ça, c'est, il n'y a pas de raison que l'Europe ait pas son moteur de recherche. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Donc, c'est une première chose. Et puis, il joue le coup d'après. C'est-à-dire qu'il essaye pas d'imiter Google. Il veut un service qui, on espère, sera aussi bon que celui de Google. Et on s'en approche vraiment. Mais on se veut différent sur le fait qu'on ne collecte pas de données personnelles. Parce qu'on pense, je pense que c'est toxique pour nos démocraties de mettre tout le monde sous surveillance comme ça. Ce qui est constaté, Pierre Gosset, c'est la surveillance de masse, elle est rendue économiquement possible parce qu'on concentre les données. Ce constat-là, il est indubitable et je pense que beaucoup de monde le partage. La question reste entière, comment on fait pour acquérir cette taille critique? Quand on se développe, il y a de plus en plus d'utilisateurs, ça reste encore évidemment par rapport à la concurrence, on va dire modeste, excusez-moi l'emploi du terme, mais néanmoins c'est la réalité des chiffres. Comment on fait quand on est Quant, quand on est Peertube, pour d'un seul coup acquérir une taille suffisante pour enclencher cette boucle de rétroaction positive? Alors c'est pas d'un seul coup, mais malheureusement, mais progressivement, à force d'acharnement, de peaufiner le produit, d'être innovant, de se différencier en termes de positionnement, le fait de vouloir concurrencer Google, mais de respecter la vie privée, c'est unique et ça fait qu'on a une croissance incroyable chez Quant. Hein, en comité de direction, donnez-nous quelques chiffres si vous en avez. Ils sont pas tous publics, mais disons que toutes les semaines en comité de direction, on constate plusieurs points de croissance par semaine. Donc la croissance chez Quant, elle est incroyable. L'équipe de la méthode scientifique vient de s'y mettre. On sera dans les chiffres de la semaine prochaine. Je vous y encourage. Non, il y a une attente du marché. Ils en ont marre des scandales. Ils se disent qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, changer de moteur de recherche, c'est pas très compliqué. Un moteur de recherche, c'est plus facile à changer qu'un réseau social. Parce que un réseau social, si j'y retrouve pas mes amis, il a pas beaucoup d'intérêt. Ça fait que quitter Facebook, c'est compliqué. Alors que changer de moteur de recherche, c'est vrai que plus il est utilisateur, plus il est pertinent, mais vous pouvez changer facilement en allant sur Quant.com et cliquer sur « Je veux utiliser Quant ». C'est donc. Quitter son moteur de recherche, effectivement, c'est plus compliqué, Sébastien Soriano, sauf quand on parle portabilité, interopérabilité. Or ça, évidemment, face à ces acteurs-là, face à ces acteurs émergents qui emploient, qui cherchent, qui poussent à la roue pour les obtenir, eh bien évidemment, les big tech freinent des deux pieds sur le frein à main, si je puis me permettre. Évidemment, c'est le coffre-fort. Donc il est fermé à triple tour et ces acteurs en place se défendent très fortement. Est-ce que les pouvoirs publics peuvent aider? Voilà. Alors, absolument. Absolument. Et donc je pense que ça doit être notre priorité numéro un. C'est-à-dire finalement, s'il faut démanteler, c'est quelque part démanteler de l'intérieur. C'est-à-dire de faire en sorte que, de manière proactive, on aide des alternatives à se développer. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que moi je suis responsable aujourd'hui d'une autorité qui s'appelle l'ARCEP, qui a régulé les télécoms. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans dans les télécoms? Je vous rappelle qu'avant, il y avait un monopole aussi. Hein, c'était France Télécom. Eh bien, on a forcé France Télécom à faire quelque chose qui s'appelle le dégroupage. C'est-à-dire que son réseau, qui était en l'occurrence son réseau téléphonique, on l'a forcé à l'ouvrir. C'était pas gratuit, hein, c'était payant. On en a défini les conditions techniques, tarifaires, et on a permis à des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs d'utiliser ce réseau. Et aujourd'hui, ces nouveaux acteurs, eh bien, il y a des grandes réussites. Il y a Free, il y a SFR, il y a Bouygues Télécom, donc on a réussi à créer un écosystème d'une grande variété qui permet aujourd'hui aux citoyens de bénéficier du choix. France Télécom, c'était une entreprise publique. Mais pour moi, c'est la même chose. Et je vais vous dire... C'est plus facile de contraindre une entreprise publique quand l'État a la majeure partie des parts. Quand c'est une entreprise française. En plus, aller réguler Google aujourd'hui... Eh bien, excusez-moi, je considère que c'est un biais idéologique. Ah. Moi, je pense que le sujet, c'est le pouvoir de marché. Le sujet n'est pas la question de est-ce que c'était une propriété publique ou pas. Le sujet, c'est d'avoir un pouvoir de marché aujourd'hui qui donne à des entreprises un pouvoir de vie ou de mort par rapport à des écosystèmes. Hein, je veux dire, quand Google Maps change son algorithme, change ses interfaces de programmation avec des startups, bah, y a des startups qui peuvent mourir parce qu'elles sont dépendantes de ce service qu'elles ont pour les services qu'elles ont développés. Et ça, pour moi, ça n'est pas tolérable. Et c'est pas parce que c'est une entreprise privée que la régulation doit être plus faible. Quels sont les leviers, Sébastien Soriano, quels sont les leviers aujourd'hui des États ou de la Commission européenne pour forcer ce coffre-fort fermé à triple tour de la portabilité? Eh bien, le problème aujourd'hui que nous avons, c'est que le droit de la concurrence, de l'antitrust européen, a l'habitude d'intervenir après coup. C'est-à-dire qu'il faut des longues procédures pour constater qu'il y a eu une infraction et ensuite on punit l'entreprise 5 ans ou 7 ans après. Et donc il faut renverser cette logique et passer à une régulation préventive dans laquelle on identifierait un certain nombre d'acteurs comme ayant une responsabilité particulière sur le marché étant donné leur taille et on leur imposerait a priori, donc sans attendre d'avoir constaté des infractions, un certain nombre d'obligations d'ouverture pour permettre à des nouveaux acteurs de rentrer. Exactement comme on l'a fait dans les télécoms. Alors bien évidemment, il faut adapter tout ça, il ne faut pas copier-coller, il faut trouver les subtilités, s'adapter à l'innovation, être agile. Mais c'est exactement la même logique qu'il faut mettre en place. Un mot de conclusion, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, peut-être un mot d'optimisme ou d'espoir. Toutes ces entreprises, tout ce dont on parle, ce sont des entreprises très jeunes, avec des modèles économiques, avec un phénomène socio-économique très jeune. Est-ce qu'on peut imaginer que, comme tous ces phénomènes émergents, la bulle va exploser, qu'à un moment donné, ces phénomènes concentrationnaires vont forcément s'effondrer d'eux-mêmes, voilà, sous la loi du changement des habitudes, de l'évolution du marché? Qu'en pensez-vous en quelques mots? On y travaille. On y travaille. Fournir une alternative de meilleure qualité qui est dans un paradigme différent, c'est-à-dire respecter la vie privée, ce qui est complètement disruptif, si vous pardonnez le mot. C'est ça. Et européen. Et je pense que... Enfin, j'ai l'espoir. C'est toute ma carrière est fondée dessus. C'est arriver à proposer quelque chose de mieux, qui est plus au service des individus et moins au service des Américains et de ces multinationales. Sébastien Soriano, on regardera dans 10 ans, dans 15 ans, ces grands groupes en disant « mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça ? Quelle aberration historique et économique ?» Absolument. Vous le croyez vraiment? Non, mais je veux dire, comme disait Keynes, à long terme, on est tous morts. Donc on peut gentiment regarder ça en attendant que ça s'effondre. Mais moi, je crois que l'Europe doit se réveiller. Il doit y avoir un sursaut, d'action vis-à-vis de ces acteurs. Encore une fois, non pas pour les punir. Il y a eu des belles innovations, il y a des grands succès, mais pour créer les conditions d'avoir notre destin en main et que les utilisateurs aient le choix. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Sébastien Soriano, merci Tristan Nitto d'être venu nous parler peut-être de cet avenir, de la fin, du démantèlement de ces grandes entreprises du numérique. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Noémie Naguette de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Alex Dang aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique demain, nous vous raconterons une belle histoire, comment la chaleur est devenue de l'agitation. Ce sera l'histoire de la thermodynamique demain au programme de La Méthode Scientifique à 16h jusqu'à preuve du contraire.